Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui le Paris-Dakar dont nous allons parler avec notre invité Cyril Neveu, bonjour. Oui, bonjour. Quintuple vainqueur du Rallye Dakar, organisateur de Rallye Raid. Bien sûr, nous allons parler de cette course légendaire, mais voilà, Hubert Auriol est mort le 10 janvier, il était l'une des grandes figures, évidemment, comme vous, hein, de cette course. Il était votre rival et votre ami. Parlez-nous de l'homme qu'il était. Moi, j'ai eu le plaisir de l'avoir à mes côtés le 18 mai 2015 dans ce studio. Quel homme était-il? Il m'a paru intelligent, extrêmement sympathique, serein. Oui, bah c'était avant tout un grand aventurier, un passionné, et il a pris le virus en même temps que moi dans ce Dakar 78 lors du premier Dakar où on avait monté un petit team ensemble, et il est vrai qu'il a tout de suite pris passion de l'Afrique, et puis il a eu la chance comme moi d'en faire son métier, et donc c'est très très regrettable puisque moi je perds un ami de 40 ans et bien sûr de nombreux souvenirs aussi bien de bagarre intense sur la piste que de plaisir après la course dans des restaurants ou autres. Nous avons passé une archive que vous avez entendue, déchirante, hein, celle de l'accident d'Auriol. On voit à quel point vous êtes avant tout humain, hein, tout simplement. Il pleure, il est dans un désespoir, on sent de la rage, de la déception et puis de la fragilité. C'est ce qui nous plaît aussi finalement, cette fragilité de tous ces concurrents sur des monstres d'acier. Oui, bah il est vrai que cette année-là, c'était très intense, c'était un coup à lui, un coup à moi, et comme vous l'avez reporté, je ne souhaitais absolument pas gagner sur cet incident, et c'est vrai que c'était pour moi important de gagner, mais pas de cette condition, et Hubert l'avait brillamment dit, eh bien, t'as été le plus fort, et voilà, mais je dois dire que cette intensité a été très très dramatique et très intense, et ce qui nous a promu comme des héros. Et qui vous a rapproché. Pour le premier départ, quelle était l'ambiance au sein des pilotes? Pour vraiment le tout premier Dakar, parce que c'était un saut dans l'inconnu quand même. On connaissait le parcours, on savait à quel point il était jugé d'obstacles, de difficultés. Il y avait de l'appréhension, de la joie, ou tout mélangé, j'imagine? Non, mais c'était un mélange du tout, bien sûr, parce qu'on allait tous découvrir ce qu'était cette course et ce qu'était le continent africain. Pour ma part, j'y avais été qu'une seule fois, notamment à l'époque de l'Abidjanis avec Thierry Sabine. Et là, je dois dire qu'on découvrait des immensités qui étaient l'Afrique et on en prenait plein les yeux. On était tous là admiratifs et avant tout, c'était une aventure humaine. Personne ne pensait à gagner. À la limite, c'était pas très important. Et quand même, des amateurs sont partis, vous vous souvenez comment ils étaient équipés, leur état d'esprit, parce qu'il fallait être un peu fondu quand même pour se lancer en tant qu'amateur. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu inconscient de partir. Alors, il y en avait des plus ou moins bien préparés. Moi, je me rappelle d'une anecdote, notamment pas le premier, mais le troisième Paris-Dakar avec Gérard Dabeuville et ses six frères, qui on les appelait les grenouilles puisqu'ils étaient tous habillés en vert. Et une anecdote, un matin, moi, j'arrivais pour le petit déjeuner à 6h du matin pour prendre mon petit déj. Lui venait simplement d'arriver. Donc, vous voyez, il y avait un créneau différent de préparation aussi bien psychologique que physique. Et vous vous souvenez de la disparition de ces trois pilotes retrouvés, parmi lesquels il y avait le fils de Margaret Thatcher, hein, et qui, d'ailleurs, Margaret Thatcher était devenue de femme d'acier, de dame de fer, dame de cœur. Ça avait été terrible pour elle. Vous vous souvenez de cet épisode? Vous y étiez? Oui, j'y étais, et j'ai mes deux équipiers notamment qui s'étaient perdus, puisque à cette époque, j'avais la chance d'être pilote professionnel chez Honda, et j'avais perdu deux de mes équipiers qui se sont retrouvés trois jours après et trois nuits seuls à marcher dans le désert. Et je peux vous dire qu'on n'était pas très très fiers et on était très inquiets pour eux, et bien sûr pour l'équipage Margaret Thatcher et Bernadette Sassi. Bon, tout s'est bien retrouvé, tout a été en bon ordre, mais ça faisait partie aussi de cette aventure humaine de se dire on pouvait tous se perdre et tout le monde était égaux, aussi bien un professionnel qu'un amateur, et ça c'était le vœu de Thierry Sabine. Alors il n'y a pas eu que des drames au Paris-Dakar, heureusement, mais celui qui a tué à la fois et entre autres Thierry Sabine et Daniel Balavoine reste marqué dans les esprits. C'était au mois de juillet 86 quand on a appris ça au petit matin. C'était terrible concernant Daniel Balavoine, c'était insupportable parce qu'évidemment ça touchait encore plus de monde que Thierry Sabine, c'était un chanteur. Vous l'avez connu, vous l'avez rencontré, vous l'avez côtoyé, Daniel Balavoine, pendant ce Paris-Dakar. Et si oui, parlez-moi de lui un petit peu. Oui, bien sûr. Daniel était un de mes amis, comme Thierry l'était, puisque Daniel s'était passionné 2 ans auparavant sur le Paris-Dakar en venant faire la course. Et après, il avait décidé de monter cette association pour aider les Africains. Et après, j'ai pris un peu le relais aussi pour pouvoir aider à monter des ponts pour le Sahel. Non, Balavoine était un homme extraordinaire et très humaniste. Et il aimait en voie l'Afrique grâce à France Gall. Et franchement, c'était une grosse perte de perdre ces deux amis. Et moi, cette année-là, j'étais en tête du Dakar. Et j'ai tout de suite dit j'arrête. Et tout le monde m'a dit non, il faut absolument que tu puisses finir le Dakar, même si tu ne gagnes pas, il faut que tu rendes honneur à ces deux personnes, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu la chance de pouvoir gagner aussi. Ça n'a pas dû être simple, hein, cette première étape après le drame, j'imagine. Non, c'était très très pénible, et c'est pour ça que beaucoup de monde m'ont soutenu, notamment la femme de Thierry, qui m'a soutenu et qui m'a dit absolument, faut absolument que tu finisses. Mon team à l'époque était Honda aussi, ils m'ont dit écoute, tu fais comme tu veux, on ne veut pas t'obliger, mais il est vrai que pour la mémoire de Thierry et de Balavoine, ça serait bien, comme tu les connaissais très bien, de finir, et c'est ce que j'ai fait. Bien, c'était donc bien janvier 86, il semble que j'ai dit juillet, oui. Mais c'était bien janvier, je me souviens de ce petit matin d'hiver quand on a appris cette nouvelle, c'était particulièrement terrible. Alors, le Paris-Dakar, on a parlé des amateurs, le Paris-Dakar s'est professionnalisé, est-ce que ça n'a pas enlevé un peu de son âme? C'est la question qu'on s'est beaucoup posée à l'époque, hein. Au moment où ça s'est professionnalisé, qu'est-ce que vous en pensiez, vous, à ce moment-là? Alors écoutez, moi c'était un petit peu ambigu parce que j'ai commencé en tant qu'amateur et j'en ai profité pour devenir professionnel, puis par la force des choses les usines m'ont demandé d'en faire mon métier. Alors donc évidemment, j'en étais très très heureux. Mais il est vrai que le fossé ne s'est pas agrandi en moto mais en voiture beaucoup. Puisqu'il est vrai qu'en voiture les moyens n'étaient pas les mêmes et en moto, on avait toujours la chance de pouvoir faire la différence avec un pilote professionnel ou un privé pouvait aussi bien gagner une étape. Mais il est vrai qu'en voiture, les moyens étaient disparates et c'est vrai que ça a creusé le fossé quand Peugeot et Porsche sont arrivés. Alors le parcours de l'histoire du Paris-Dakar est une métaphore également et à la fois une réalité du terrain chaotique qu'on emprunte. Avant son annulation en Afrique, en 2008, le rallye avait déjà connu des aléas, des menaces, notamment comme en janvier 2000, où face à la menace terroriste qui plane sur la caravane, l'organisation planchait sur un pont aérien pour transporter tous les véhicules directement en Libye et ainsi éviter de traverser le Niger. On va se rafraîchir la mémoire avec ce reportage de janvier 2000. Au PC du rallye installé sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, les organisateurs essaient depuis le milieu de la matinée de trouver une solution. Il n'est plus question de laisser les concurrents naviguer seuls dans les déserts de l'Aïr et du Ténéré. La course est donc neutralisée jusqu'à nouvel ordre. Pour le responsable de la sécurité du Dakar, Roger Kalmanovitz, la seule solution possible est la mise en place d'un pont aérien à l'aide d'avions géants pour transporter tous les véhicules directement en Libye. Si on ne peut pas sortir d'ici grâce à un pont aérien, on sera obligé d'arrêter. Vous savez, faire demi-tour, ça se prépare. Le Dakar Agadez-Dakar qui avait eu lieu il y a 3 ans, c'était un vrai Dakar et non pas un aller-retour dans les traces de l'aller avec le retour. Non, ça ne me paraît pas envisageable. On fera tout. Le pont aérien, vous savez, ça peut se gérer. C'est une question de disponibilité de gros porteurs et de coûts. Donc le coup, on fera ce qu'il faut, la disponibilité, on travaille dessus. Voilà, donc janvier, une première alerte, et puis 2008, annulation en Afrique pour cause de situation géopolitique dangereuse. Ça a plombé le Paris-Dakar, cette histoire, parce que Paris-Dakar, ça va de Paris à Dakar, et maintenant il va de Paris à ailleurs, donc alors évidemment ça n'est qu'un titre, mais bon, comment vous avez ressenti cette nouvelle donne à l'époque? Oui, ça a été un coup de glace, ça a été une terrible nouvelle de ne plus aller en Afrique puisque le continent africain aimait nous voir et le terrain était superbe. Alors il est vrai que l'Amérique latine a prouvé qu'on pouvait faire ce style de course, mais avec beaucoup moins d'aventures humaines, beaucoup moins de panache, à mon sens, puisqu'en plus le Paris-Dakar a gardé simplement que le nom de Dakar, et puis les étapes ont été réduites, donc ce n'était plus pour moi une course aussi emblématique, en tout cas techniquement. Donc ça a été un bouleversement. Et c'est vrai que ces 10 années, bon, on fait de très beaux champions, mais plus de la même trempe et plus de la même catégorie pour moi. Le Dakar, une aventure humaine qui a passionné des millions de personnes avant qu'il change de visage peut-être, mais paradoxalement qui a aussi accumulé beaucoup de détracteurs. On va écouter le témoignage, alors ça n'engage que lui, hein, d'un jeune militant anti-remondiste, mais on a entendu ce genre de paroles, enfin ce sentiment-là, a fait écho. On écoute, on en parle après. Le Paris-Dakar perturbe les activités, notamment des services publics, des services de santé. Des pistes sont détruites par le passage du Paris-Dakar. Le personnel médical ne dispose plus de l'essence nécessaire, qui est réquisitionnée 15 jours, 3 semaines avant le passage du rallye dans certains coins. Même si le rallye apporte sa propre essence, il en faut d'autres. Le Paris-Dakar a aussi perturbé l'approvisionnement en aide alimentaire. Les pistes, quelques jours après, sont en mauvais état. Les camions ont dû perdre plusieurs jours l'an dernier dans la région de Gao, au Mali, par exemple. Comment réagissent les populations africaines au passage des voitures et puis des motos ? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont sur le passage du Paris-Dakar, et c'est évident, c'est un événement. Mais comme nous ont dit des travailleurs immigrés de retour au Mali, même les courses de bourricots attirent du monde au Sahel. C'est un événement, les gens viennent voir. Mais vous savez qu'il y a eu plusieurs fois des accidents mortels. En 1984, une femme a été tuée. Elle n'était pas sur le passage du Paris-Dakar, elle était dans un champ à côté. Et quand on passe à 160 à l'heure au milieu d'herbe, on fait un petit écart pour doubler une moto. C'est ce qui est arrivé à un pilote, et il a fauché une mère qui était dans son champ juste à côté. Bon, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la part d'ombre et la part de lumière du Paris-Dakar. Cette émission s'appelle Affaires Sensibles, donc on va pas passer à côté de ce qui était le volet polémique pour essayer de comprendre, peut-être plus sereinement, avec un peu de recul. Qu'est-ce que vous avez à répondre à toutes ces accusations qui ont été lancées contre le Paris-Dakar? Qu'est-ce que vous avez dit à l'époque, notamment? Non, mais il est vrai que le Dakar a malheureusement a fait des morts, aussi bien dans la population que dans les compétiteurs, même beaucoup, et c'est bien déplorable. On ne va pas sur ce genre de course pour aller tuer les habitants, bien évidemment, et ça c'était très triste et dramatique. Et après, bien sûr, sans compter les concurrents qui, eux, doivent savoir qu'ils prennent des risques. Je dirais que c'est dur à dire, mais c'était peut-être moins important qu'un enfant ou une mère, comme vous l'avez pu citer, soit tué par un concurrent. Donc ça, c'est évident que c'était insurmontable. Et après, il est vrai que l'organisation a pris conscience de ça, a fait un système, ce qui s'appelle un iritrack, pour éviter de rouler vite dans les villages. Et les gens étaient pénalisés s'ils roulaient vite dans les villages. Donc ils ont pris conscience, l'organisation, qu'il fallait absolument éviter ce genre de drame qui a été dramatique. Mais il est un petit peu faux dans le reportage quand on dit que les routes étaient défoncées. Bien au contraire, c'est de temps en temps que ça les entretenait. Alors après, il y a toujours eu des polémiques entre les pour et les contre. Donc je ne reviendrai pas. Mais le côté le plus dramatique, c'était bien évidemment ces enfants ou ces personnes qui étaient venues pour nous accueillir et qui sont décédées. Au bout du compte, vous avez participé à combien d'éditions du Paris-Dakar? Moi, j'ai participé à 13 éditions, uniquement, bien sûr, en Afrique. Ouais. Et 13, c'est pas 30, hein, y en a 30. Qu'est-ce qui fait que vous participiez parfois et après non? Comment vous avez organisé tout ça? C'était planifié ou c'est d'année en année? Les circonstances ont fait que vous avez participé ou pas? Non, c'était que moi j'étais passionné déjà de l'Afrique et j'étais passionné par cette course et puis ça s'en est devenu mon métier. Donc à un certain âge, à l'âge de 35 ans, il était temps de raccrocher et c'est ce que j'ai fait. J'ai participé à sur 13 années de suite. Ah, de suite, et, c'est ça. Et je me suis dit, vous savez, j'ai participé à 13 éditions les uns derrière les autres et j'ai vu bon nombre de mes équipiers rentrer ou pas rentrer, donc c'est ce qui m'a fait réfléchir aussi, ouais. De dire c'est bien de gagner, mais la vie vaut peut-être mieux que d'une autre victoire. Et quels sont vos meilleurs souvenirs finalement? Parce qu'on a parlé des choses qui allaient pas, des drames, des colères, des polémiques, mais enfin tout le reste est constitué de bonheur, j'ose imaginer. C'est quoi vos grands souvenirs? Bah, moi, mon souvenir, c'est la découverte de l'Afrique avant tout, ce continent que je ne connaissais pas, auquel on peut peut-être nous reprocher de rouler vite, mais il est vrai que moi, j'avais la chance de pouvoir y revenir, y passer des semaines pour pouvoir découvrir tous les paysages que j'avais pu rater. Et donc, déjà, la découverte de ce pays, et puis moi, personnellement, c'est d'en avoir acquis un métier et une passion. C'est déjà fabuleux de pouvoir de vivre de sa passion. Donc j'ai vécu sur un nuage pendant 13 ans à pouvoir réaliser mon rêve. Mmh. Vous me parliez tout à l'heure, vous avez déjà donné une partie de la réponse à la question que je vais vous poser, mais j'y reviens quand même. Donc après l'Afrique, l'Amérique du Sud, aujourd'hui l'Arabie Saoudite, les déserts d'Arabie Saoudite. Quel regard vous portez sur cette destination-là ? Alors la destination, le pays ne m'enchante pas, bien évidemment, mais par contre il m'enchante au niveau des paysages et je retrouve un peu ce qu'on retrouvait en Afrique, c'est-à-dire cette immensité de désert avec ses grandes dunes, ses grands canyons, ces roches qui sortent de nulle part, le bord de mer de la mer Rouge qui est magnifique et donc le pays avec tout ce que ça comporte bien évidemment ne m'enchante pas. On sent bien qu'il s'achète un peu une virginité, mais par contre quelle beauté de paysage. Je ne pensais pas pouvoir découvrir d'aussi beaux paysages quand j'ai vu à la télévision. Alors, vous avez créé la société NPO, c'est bien ça ? Vous êtes toujours créateur et organisateur de rallyes, c'est ça ? Oui, mais j'ai passé la main sur les rallyes raids, notamment au Maroc et en Tunisie. Maintenant, j'organise des rallyes de voitures classiques sur des routes bien bitumées, avec des belles vieilles voitures, voilà. Et le sport mécanique côté rallye, hein, je parle pas de la Formule 1 ni de la 3 ou autre chose, je parle des rallyes, courses de rallye, et j'imagine que ça vous intéresse. Quel regard là aussi vous portez sur le rallye d'aujourd'hui, ça vous passionne? Je regarde toujours, bien évidemment, étant passionné par le sport mécanique. Alors, je trouve que, bien évidemment, ça a pris un autre virage, mais je pense que c'est l'évolution naturelle. Après, on s'est aperçu dans chaque discipline qu'il fallait réduire la puissance, puisque c'était idem dangereux, même sur les routes, de prendre des risques. Et puis, pour les spectateurs, bien évidemment, il faut savoir que sur des rallyes conventionnels, il est très dangereux de rouler dans une haie de spectateurs, ce qui a été notamment modifié. Oui. Et puis c'est pas tellement le vent de l'histoire, tout ce qui est voiture, consommation, essence, pollution. Bien évidemment, mais vous avez entendu parler, je suppose, que le Dakar en 2030 veut totalement changer son règlement. Alors vous allez me dire, c'est en 2030, oui, c'est très loin, de faire rouler des voitures qu'à l'hydrogène ou à l'électrique. Bien sûr, c'est ça d'ailleurs l'avenir du sport automobile passe peut-être par là. Bien évidemment, et je le regarde et j'en suis bien conscient, et je pense que il ne faut pas totalement dénier de dire que le sport mécanique n'existera plus. Il va se transformer comme le monde se transforme. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Cyril Neveu, merci infiniment pour nous avoir confié vos souvenirs. Au revoir. Merci. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du Paris-Dakar. Réalisation Pierre Jabot, Koyen Guyenne, Jérôme Chélus, c'est la technique aujourd'hui. Il y avait Michel Bézikian.